Il est temps, on l'attend, on le dessine. On se part, se prépare, on s'imagine. On s'unit, se fragile, fragile à jamais. Il nous prend, on surprend, mais on implore. Le démon, ce poison qui nous dévore. On se donne et s'enflamme pour l'éternité. Moi je dis oui au nom des enfants qu'on espère. Il faut voir son mari déjà le père. Moi je donnerai la vie pour être près de lui. Voilà mon paradis. Moi ce qui peut je fondre nous ding dong. Moi tu la passion, la raison ding dong. Satisfait. Ce contrat, vous et moi qui nous est cher, je veux croire au devoir que l'on se promet. Moi j'ai déjà dit oui au diable qui m'emporte. Oh mon Dieu, moi c'est la vertu qui l'emporte. Et qu'importe où nous fuyons la mer.